sur Parents Koala, le podcast. Un podcast qui accompagne et soutient les parents dans leur parentalité. Je m'appelle Cécile, je suis la créatrice de ce podcast et du site Parents Koala. Et chaque semaine, je vous propose de me retrouver pour parler plus en détail d'un sujet abordé durant la semaine. Cheminer dans sa parentalité n'est pas toujours lisse et nous rencontrons parfois des obstacles qui nous font douter. C'est pour cette raison que j'ai créé les ateliers de Parents Koala, des ateliers qui permettent de condenser des informations et vous donnent des ressources pour avancer sereinement sur le chemin qui vous ressemble. Vous pouvez retrouver le premier atelier, Devenir parent, sur mon site. C'est un atelier qui s'adresse principalement aux futurs et jeunes parents. J'y aborde le postpartum et les bouleversements psychiques, le couple et l'entourage. À partager donc sans modération. Pour ce premier épisode, je vous propose de vous parler de vous-même. En parentalité, on parle beaucoup de l'accompagnement respectueux de l'enfant, parce qu'on sait désormais, grâce à la science, qu'elle est essentielle pour un développement harmonieux de l'enfant. Toutefois, il faut aussi noter que nous, adultes, nous avons été élevés d'une certaine façon. Nous avons en nous des schémas éducatifs qui sont ancrés depuis des années. Et lorsque l'on souhaite accompagner des enfants d'une façon totalement différente de la manière dont nous avons nous-mêmes été élevés, eh bien cela demande un énorme travail sur soi. Ça nécessite de remettre à plat tous les schémas éducatifs qui nous paraissaient jusqu'à présent normaux et de tout reconstruire. C'est un énorme travail sur soi. C'est ce que l'on appelle du développement personnel. Et le développement personnel, eh bien ça prend du temps. Nous ne changeons pas du jour au lendemain. Il faut des prises de conscience, des réajustements, des questionnements, des réflexions, bref, ça demande beaucoup de travail. Nous avons, malgré tout, notre enfant auprès de nous qui grandit et nous avons besoin de l'accompagner de façon respectueuse. Mais parfois, nous n'agissons pas comme nous aurions aimé. Et ces dérapages sont la conséquence des schémas qui refont surface dans des situations auxquelles on ne s'attendait pas, que l'on n'avait pas encore rencontrées parce que la fatigue ou le stress a pris le dessus. Quand on accompagne son enfant de façon respectueuse, lorsqu'on agit d'une façon qui nous échappe, la première chose à faire, c'est de s'excuser auprès de lui. L'adulte qui accompagne respectueusement un enfant sait s'excuser auprès de son enfant. S'excuser, c'est normal, ça fait partie de la vie et on a le droit de se tromper. Et dans ces cas-là, on peut s'excuser. Beaucoup d'adultes demandent aux enfants de s'excuser auprès des autres, mais peu d'adultes s'excusent auprès des enfants. Et cette excuse que l'on va apporter à l'enfant, il faut aussi se l'apporter à soi-même. On a le droit de s'excuser soi-même pour mieux comprendre comment on a agi, pourquoi on a été comme ça, pourquoi on a eu besoin de crier à ce moment-là, pourquoi on s'est mis en colère, pourquoi ça nous a mis en colère. S'interroger sur ça, ce n'est pas se prendre la tête, c'est bien plus profond que ça. Je suis en train de me remettre en question, je suis en train d'avancer dans mon développement personnel en parentalité, je suis en train de développer la personne que j'ai envie d'être auprès de mon enfant et ça demande un travail intérieur profond. Et prendre le temps de revenir sur soi, de s'interroger là-dessus, de se comprendre pour se pardonner, pour réagir autrement la prochaine fois, c'est essentiel. Ça permet aussi d'arrêter de s'en vouloir, de se dire qu'on est nul tout simplement parce que c'est pas de votre faute. Ça fait des années que vous avez ces schémas-là en vous. Les déconstruire pour en construire des nouveaux, ça demande du temps, de la réflexion. Et ce n'est pas parce que vous avez mal fait une fois, que vous êtes un mauvais parent. Pour ce premier épisode, j'avais envie de vous raconter une anecdote. Ce moment où j'ai pris conscience qu'il allait falloir faire un énorme travail sur moi pour changer les schémas que j'avais moi-même connus pour accompagner de façon respectueuse mon enfant. Mon fils avait 15 mois, il était en train de jouer avec des cubes en bois et il a fini par en lancer un, sauf qu'il en a lancé un dans ma lèvre. Et un cube en bois dans la lèvre, ça fait extrêmement mal. Et à ce moment-là, j'ai eu envie, moi aussi, de lui faire mal. J'ai eu envie de le taper tout simplement, ce que je n'ai pas fait. Mais ça m'a demandé beaucoup de réflexion. Pourquoi, à ce moment-là, j'ai ressenti ce besoin-là de lui faire du mal, alors que ça ne me viendrait même pas à l'idée de lui faire du mal en temps normal. Et j'ai pris conscience à ce moment-là qu'en fait, ça renvoyait à mon enfance, à ma relation avec l'adulte qui, lorsque je lui faisais mal, pouvait me faire mal. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de culpabiliser d'avoir ressenti ça. Au fond, c'est normal, ça fait partie des schémas qui sont ancrés en moi. Et maintenant, il faut faire un travail sur soi d'un côté, pour pouvoir exprimer cette douleur sans faire mal à son enfant. Et de l'autre côté, un travail sur l'enfant pour lui apprendre que lorsque on lance un objet, eh bien, il faut faire attention parce qu'on peut faire mal à quelqu'un. Et en fait, pour moi, l'accompagnement respectueux, c'est ce balancement entre les deux, entre moi-même, mes réactions, et l'accompagnement de mon enfant. Et chaque fois qu'une réaction que j'ai eue ne me convient pas, eh bien, je fais ce travail sur moi pour comprendre pourquoi j'ai réagi de cette manière. Et en même temps, je réfléchis à comment la prochaine fois je vais pouvoir accompagner mon enfant de manière à ce qu'il puisse réaliser une tâche sans que ça provoque quelque chose en moi qui ne me convient pas. Donc voilà, l'accompagnement respectueux d'un enfant, eh bien ça demande tout un travail sur soi, ça demande un développement personnel, notamment quand on n'a pas connu cet accompagnement respectueux soi-même. Et malheureusement, nous sommes beaucoup, en fait, à ne pas avoir connu cet accompagnement respectueux. Et donc, eh bien, on cherche encore beaucoup nos marques pour pouvoir être dans cette dynamique. J'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode et qu'il vous permettra d'y voir plus clair pour arrêter de culpabiliser et de s'en vouloir. Et je vous souhaite une très belle fin de semaine. À très bientôt !